Les richesses que Dieu donne à l'homme. Un homme, mécontent de son sort, se plaignait de Dieu. Le bon Dieu, disait-il, envoie aux autres des richesses, et à moi ne me donne rien. Comment puis-je débuter dans la vie ne possédant rien? Un vieillard entendit ces paroles et lui dit: Es-tu aussi pauvre que tu crois? Dieu ne t'a-t-il pas donné la jeunesse et la santé? Je ne dis pas non, et je puis être fier de ma force et de ma jeunesse. Le vieillard prit alors la main droite de l'homme et lui demanda: Voudrais-tu te laisser couper cette main pour 1 000 roubles? Non, je ne le voudrais certes pas. Et la main gauche? Celle-là non plus. Et consentirais-tu à devenir aveugle pour 10 000 roubles? Que Dieu m'en préserve, je ne voudrais pas donner un œil pour la plus forte somme. Vois, ajouta le vieillard, quelle richesse Dieu te donne, et cependant tu te plains.